Chanson de l'orme. Le cœur qu'un geôle lève, l'être qu'un geôle le cœur, à demi demandé dans son cœur, bruine abondant et soyeuse aux étoiles des nuits, d'eau tonnerre et pluie grondeuse, des heures silencieuses, terne matière, chemin aux herbes marécageuses, corps en corps, assoupi, âme des lointains, du pays des horizons où passe la pluie. Le cœur qu'un geôle lève, l'être qu'un geôle le cœur, un de